Deuxièmement, et je sentis mes yeux se fermer, comme si dans la brume, à chacun des cils de mes paupières, une main invisible avait lié des pierres. J'étais comme était un prêtre au seuil du Saint-Parvis, songeant, et quand mes yeux se rouvrirent, je vis l'ombre, l'ombre hideuse, ignorée, insondable, de l'invisible rien, vision formidable, sans forme, sans contour, sans plancher, sans plafond, où dans l'obscurité se fond. Point d'escalier, de pont, de spirale, de rampe. L'ombre sans un regard, l'ombre sans une lampe. Le noir de l'inconnu, d'aucun vent agité. L'ombre, voile effrayant du spectre éternité. Qui n'a point vu cela, n'a rien vu de terrible.